on est al gros. Tiens. Monte le volume et ferme ta bouche pour le deluxe, fallait que ça pète. On compte pas les cartouches, ma gueule ici on compte les têtes. Ici je les vois tirer la gueule en découvrant le cypher. Je ramasse la poussière et tes dents, connard, efficace comme Swiffer. Vox le beat à la paca, balance une piste dans la bagarre. On kick pour les vrais gars et un finger pour les bâtards. Je dégonne le mic et fume ça fort, allez leur dire qu'on est hal. On vise les tempes et les rotules, rien à battre, du gilet pare-balles. Poussez-vous, je cavale pour dépoussiérer, je rafale avec des mots dans le chargeur. Ton mic attaque, je l'avale. Nico invite la mauvaise graine, il go, ça bouge et brise des chaînes. Pop, pop, pop. Pop, je viens lui tirer dans l'abdomen. Rapper kické, c'est mon domaine. Je défonce sa prod car j'ai la haine. Je vais la baiser en profondeur jusqu'à temps que cet instru saigne. Ramenez la trousse de secours, les gars. Je viens de faire de gros dégâts. Pas de soucis, je vous laisse une part. A vous de la finir, les gars. J'enlève le fil, série, je rappe. Situation posée, ce beat, il faut que j'attaque. Aucun contact, mais sur le tact, tu sens la pacte. Y'a pas de pacte. Écoute le pop, le mac attaque. Mental de fou, pétage, je tape. Si la rafale passe le mic pour le prochain carnage, calmement. Pour y passer la nuit, kick crime. Tout en restant dans trip, sourire au coin de la lèvre, ça y est, j'en ai fini. C'est le Mac Attack 2, l'épée ancrée à l'asphalte. Ouais, l'équipe en 4-4-2. Tu connais la tactique, t'as pas de. On t'accapare, attaque tes failles, écoute tes fables, tes feuilles. Et dans le film, t'es pas mort, t'es chaud au port du casting. Le terrain glissant comme piste de karting. Un roi déchu, tes choix déçus. Nico a fait la sélecta, son listing. T'es pas dessus, gros, t'es pas le king. Et paf, le style arrive comme une basse de super. Quoi faux poteau, donc fais gaffe, j'aggrave. Les wakomurs comme des graphes, mon staff a toujours faim et très soif. Toc toc toc, j'arrive au port de ta ville. Messager du HH, l'underground de ta ville. Détachite comme un sprint, j'suis trop prêt pour bon, débile. Pas de débile quand j'délivre même les plus chauds des villes. Mike attaque, frère, l'explosion est imminente. Mat l'arnaque, mec, faut suivre le cheminement. 8 mesures avant l'entraque, tout est dans l'attitude. J'ai l'habitude d'ouvrir le bail, Nico, le mic, j'attrape. L'époque est violente, gros, fais péter les violons. Détox et pansement, c'est un bordel sans nom. Méthode de lancement, j'demande à mon. Mais autrement dit, je vais vivre avec passion. J'envoie une flambée de violence sans trembler pas. Distributeur de romance, je t'habite Groland sans d'emblée. Un petit spiff dans et survole le pentagone en cerf-volant sans plan B. Entendé, j'en pendais, t'étais pané, grand cranté, ensanglanté. On s'entendait pour une tannée, enchanté de voir ton année. En chantier, peu de chance de me voir t'encenser. Sans sensei, insensé, sans se vanter, on te fait grincer des danses enchantées. Sif simise, tout n'est pas sans risque, choqué par dizaines. Les nerfs à vif, trop de traumatisme, pas de partie saine. J'ai eu les poches percées à force de trop miser. Je redescends tout pété, je vais vous atomiser. J'ai traversé trop de bourrasques pour vivre ce que je lui faut du courage. Maintenant advienne que pourra, je vais taire les mères de leur entourage. J'attends pas qu'on m'acquiesce, je suis l'antéchrist au fond de la kermesse. Je repars avec la caisse, ton Gucci et ton sac Hermès. Vous faites quand les plombettes de corps réserve, car ton briquet, je diffuse le cœur, j'allume la mèche. Regardez ça, comment on fait. Dans la cage et sans perdre, je m'arrache une plume et ouvre le bec. C'est dans la plume que je vois plus net et sur la lune que je pose ma tête. Syndrome d'arthrose aux mandibules, plus que des barreaux devant les rictus. Le monde porteur du même virus, mais pour le soigner, y'a pas de piqûre. Je crois qu'on simule le temps de sourire, ce compte en minutes à la tristesse pour mettre son point. Passe à virgule. Avec mon gars sur le 12, le date, on assure. Posé sur l'album de Nico Tsum. En Zoom, M-E-R-C-O-S, G-A-N, j'ai grosse baisse. Au chrome, quand on quitte les autres stèses et n'assume pas. Écoutez en boucle, les basses passent. Du 12 et du baba. L'attention s'emballe pas. Des voix agressives et douces, à cause de bédo dur. Du bon produit pur, mixage maison. Mais qualité et la mixture. Si tu te caches derrière ta fausse allure, garçon, sache ton imposture ne se réglera pas à coup de teinture. Je me dois de te faire la leçon. Un bruit de bord, attention à la peinture. Sinon coup de bite après avoir ôté la ceinture. Tu kiffes et qui se laisse l'instru. Mec, ça tue. Du bon hip hop, très peu probable que l'oreille sature. Cypher en cercle, poto S la nôtre, ça tue. Puis deux chevals, torse nu, notre rap centaure. Tu obligé d'arriver en balle. Pour faire la diff, je te garantis qu'après toutes ces années, j'suis toujours aussi nocif. Je pense avoir fait le tour de ce foutu rap de merde. On joue pas dans la même cour, frère, celle d'où j'viens est terne. Les gratteurs et les traîtres n'y ont pas leur place. Sixième mesure, j'pense avoir été clair pour mon Los Monsas. J'ai plus la niaque pour cette musique, mais je fais le taf, tempérament impulsif. C'est NOSS dans ton casque. Même si j'rappe, sache que j'ai pas lâché le bis pour devenir con. Apprendre des fois, il faut savoir lâcher prise pour devenir con. Si j'ai le courage d'essayer, c'est que j'ai encore plus peur d'échouer. Je continue de prêcher, pas pressé devant la plupart s'échouer. Même sur ton cercueil, t'auras jamais de remise exceptionnelle. Frère, travailler c'est déjà un risque professionnel. J'ai pas peur d'être jugé, ma culture s'est faite sans assistance. La seule chose dont j'ai peur, c'est que la nature prononce les qu'est-ce sentences. Qu'est-ce que tu crois, toi? Ça fait des années que je kick le mic, moi. Dis-y du feu, dégueule ma peine, fume des flammes et crache le magma. Y'a 30 biches, j'avais déjà qu'à l'arrivée on serait plein. Comment une équipe pour affronter ce monde incertain? Yo, j'ai que deux jambes, donc je vais pas y aller par quatre chemins. J'ai des textuels, j'écris au skinny sur mon parchemin. Tous les quartiers et les villes de France qui kiffent notre son sans structure. Entre les heures et les frères du monde qui fait pour son de cette culture. C'est toujours les mêmes gens qui râlent. La vie c'est pas un Walt Disney, c'est souvent les méchants qui gagnent. Je vois des rappeurs dans la compète, en train de ramper quand je ricane. Ils ont voulu me couper les jambes, j'ai des gambettes en titane. En 10 années de rap, j'ai chanté dans pas mal de salles. Si ça y est, le bail est pas mal, le savent. Paname le sable, je connais les deux, j'ai rappé partout. Big up aux gens merveilleux dont j'ai croisé le parcours.